quelques jours après le passage de d'Alex Le Bail, cinq jours après. Donc on se retrouvera les uns et les autres à ce moment-là en fréquence. Et Chris Milan donc sera donc dans nos studios le 16 pour une émission spéciale sur sa composition, sur le travail d'un auteur-compositeur. Donc il y aura Chris Milan ce jour-là. Le 21 mai, je recevrai un petit peu dans le même style, enfin le même, pas le style musical, mais le même style d'interview. Je l'ai dit tout à l'heure, Alex Le Play, et j'aurai peut-être éventuellement le plaisir de recevoir, je verrai ça avec lui, Alex Le Bail, qui lui parlera un petit peu de ses compositions, mais nous parlera proprement dit un petit peu plus de sa vie, de comment il a découvert la musique, qu'est-ce qu'il a fait, ce qu'il a fait connaître, comment il tourne, comment il s'autogère et tout ça. Donc voilà, en attendant, on va revenir voir si notre ami Pharaon 85 est toujours en fréquence. Oui, toujours à l'écoute, mon ami. Radio de 5, pas de signal, mais la radio est très bonne. Voilà, donc c'est pas du 9+30 dans la boîte à gants, là, hein. J'ai pas de vue mettre, hein, c'est pas possible. Voilà, donc pour expliquer, quand on fait de la radiocommunication, que ça soit en local ou et d'autant plus en longue distance, on a un petit vue mettre sur les postes. On avait un vue mettre, maintenant ce sont des LED qui passent, qui nous donnent la puissance de la radio. Donc une radio de 5, c'est une très bonne radio, très forte, très très puissante, comme celle de 96.2 MHz arc-en-ciel sur les fréquences FM. Et parce que en FM on peut avoir des débrouillages, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Mais sinon on avait le côté aussi signal. Donc c'est la force, la puissance d'où passe ce radio. Donc quand on était en voiture et qu'on disait 9+30 dans la boîte à gants, la boîte à gants indiquait toujours le côté droit, et le côté droit, la boîte à gants, c'est en général dans les voitures, c'est à droite. Donc c'est pour ça qu'on disait un 9+30 dB en général dans la boîte à gants. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je me suis pas planté? Est-ce que j'ai une bonne mémoire? C'est que le signal était donc très fort et que la personne avec qui on parlait avait soit une station d'émission très puissante, soit elle était tout près de nous. Ouais, ou alors elle avait beaucoup de watts, mais des fois quand elle avait une voix de watts, tellement que les watts poussaient le signal, ça arrivait, et c'est comme ça qu'on arrivait à les reconnaître un petit peu aussi, puis voir, on savait d'où ils étaient et comment ils émettaient, et le rayonnement, on savait qu'ils avaient un petit tonton derrière, donc un Alpha Lima, un ampli lunaire, et ils avaient souvent une voix de canard, hein. Souvent ça écrasait un petit peu la voix, parce que la puissance des watts faisait que ça poussait trop sur le côté fréquence, et ça écrasait un petit peu, voilà. Est-ce qu'il serait bien aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dernièrement, est-ce qu'il serait bien de faire passer le message et de dire qu'une CB, entre autres, peut être toujours utile? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, je voulais juste, par rapport à ce qu'on a dit en tout dernier tout à l'heure, ajouter que par rapport au brouillage et au droit à l'antenne, effectivement, à la grande époque de la CB elle était connue pour brouiller les télés, penser dans les télés. Oui, et pour cause. Les téléphones sans fil, etc., etc. Aujourd'hui, tout ça, c'est terminé, il faut bien se le dire. Un poste CB ne brouille plus, sauf exception, si vous avez un voisin qui a un vieux radio réveil, une vieille chenille, des choses comme ça. Mais avec tout ce qui est numérique aujourd'hui, que ce soit les téléphones portables, les téléphones sans fil de maison, les radios en DAB, etc., etc., il n'y a plus de brouillage. Il n'y a plus de cabine téléphonique non plus, d'ailleurs. Donc, on ne peut plus les brouiller. Mais je veux dire, voilà, les brouillages qui étaient dus à ce qu'on appelle une réjection, c'est-à-dire que la CB fonctionne en 27 MHz, les téléviseurs passaient aux alentours du 54, donc 27-27. Ça faisait 54, on faisait donc un brouillage par rapport aux télés quand on émettait en CB. Aujourd'hui, c'est terminé avec le numérique, oui, avec la TNT, avec Internet. Il y a plus ces problèmes. Il y avait aussi le fait que à l'époque des télévisions, donc ce qu'on appelait les tentes victorines, hein, tente et victorine pour TV, le lever de Victor. Il fallait savoir aussi que beaucoup de il y avait des grands émetteurs qui étaient postés sur des châteaux d'eau et autres, et pour pour arroser, ils mettaient un petit peu de puissance, et dans les immeubles on avait ce qu'on appelle l'antenne râteau, l'antenne hertzienne, râteau qui recevait le signal TV. Donc toutes les télévisions qui étaient en début d'immeuble, au niveau des câbles, ça passait bien parce que la réception passait directement de l'antenne et par les câbles. Mais les gens qui étaient un petit peu dans les cages d'escalier, un petit peu plus loin, par exemple sur la 3e ou 4e porte d'entrée, ils avaient un manque de rayonnement de fréquence, et la télé, il y avait des brouillages, ne serait-ce que sans la CB, mais il y avait beaucoup de ce qu'on appelle de neige, c'était pas tip top, et il fallait savoir que comme ça coûtait très cher, les câbles, j'en parle en connaissance de cause puisque j'ai été contrôlé par c'était pas la NRF à l'époque, je me rappelle plus comment ça s'appelait, ça avait un autre nom. Et j'avais été contrôlé justement pour des problèmes de brouillage, et j'en suis sorti très bien, puisque en fait c'était pas moi qui brouillais, c'était que dans la cage d'immeuble où ça passait, en fait ils avaient mis un ampli, un préamplificateur de fréquence, c'est-à-dire que les signaux de la télé étaient amplifiés, passaient par les câbles, et la CB qui moustachait un petit peu passait dans ces câbles-là par un manque de blindage, par un manque d'argent si tu veux. Et ça passait, donc t'avais pas besoin d'un ampli linéaire ou quoi que ce soit avec 4 watts, surtout mon antenne radio était située pas trop loin de l'antenne râteau télé, et ça arrivait à passer, mais moi j'étais pas fautif. Donc et tu avais des gens, comme ils recevaient quand même encore assez mal, ils mettaient chez eux des amplificateurs, donc ça amplifiait l'amplification. Donc ça amplifiait, bien sûr, tous les signaux qui rentraient, que ça soit un signal radio ou que ça soit un signal TV, c'était un signal de fréquence, parce que la télé, avant d'être passée en image, c'est un signal radio, hein, c'est des fréquences. On le voit souvent pendant le Tour de France, des fois, quand ils passent en montagne ou quand il n'y a pas d'hélico, ils peuvent pas parce que l'hélico sert de relais, mais quand il n'y a pas quand ça passe mal dans les forêts ou autres, eh bien on voit des fois que l'image, elle décroche, pas parce que c'est l'image, c'est que le signal de l'image ne passe plus. Voilà, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Oui. Est-ce qu'il faut dire, à notre décharge et celle de tous nos amis cyclistes, de l'époque et de maintenant, c'est que certains postes n'étaient pas homologués ou étaient débridés, mais il y avait aussi des amplificateurs de réception qui n'étaient pas aux normes non plus. Bien sûr, tout le monde était un petit peu... Alors nous, on était mal vus parce qu'il y avait ce côté, et puis il y avait le côté électoral, tout ça, qui faisait que les cibistes, on était très peu au prorata du monde qui regardait les télés et tout ça. Donc voilà, on était à l'époque, je pense qu'au plus haut mot, on a dû être à peu près en France, dans les plus belles époques, on a dû être à peu près 1 million, et il y avait 47 ou 48 millions de téléspectateurs, et on était aussi téléspectateurs. Donc voilà, après voilà, c'est un problème de partage des fréquences, ça, mais ça on va en discuter un petit peu dans la deuxième partie. Donc on était en train de dire avant de juste après cette intervention cette escale musicale, on était en train de parler un petit peu du bienfait de la CB et comment elle pourrait être utile aujourd'hui. Alors sans, pas que la CB, mais ce moyen de communication, comment il pourrait être utile. Est-ce que tu peux j'en ai un petit peu parlé, mais je vais te laisser la primeur aujourd'hui d'en parler. Alors, il faut savoir que la CB n'est pas morte déjà, parce qu'on a tendance, certains en parlaient au passé, parce qu'on a connu l'époque de la gloire et de la multiplication des antennes et des postes comme Jésus a multiplié les petits pains. C'est plus le cas aujourd'hui, c'est vrai, mais il y a encore des utilisateurs de la CB, c'est vrai aussi. Que feraient par exemple les transporteurs qui font du convoi exceptionnel s'ils n'avaient pas la CB? La CB, c'est un lien entre les camions et les voitures pilotes, donc c'est absolument utile et indispensable, et parfois même avec des liaisons moto, gendarmerie, escorte, etc. La CB est aussi utilisée dans les carrières par tous les chauffeurs routiers qui vont faire des chargements de carrières, qui vont faire aussi les campagnes de betteraves en particulier. Bien sûr, oui. Et puis c'est aussi utilisé par exemple les adeptes de 4x4 qui sortent en bande, on va dire ça comme ça, ils sortent à 10, 12, 15 véhicules. Oui, non, c'est, j'ai pas dit que la CIBI était, elle est plus connue ou pas connue, ou elle n'existe plus pour monsieur et madame tout le monde en général, mais c'est vrai voilà, qu'il y a encore des aficionados qui sont, et même des jeunes, hein, qui recommencent un petit peu. Enfin, moi, je sais que, comme je l'ai toujours connu, j'ai toujours connu depuis les années 78 quand j'ai commencé à moduler un petit peu avec mon 22 canaux, FM, au départ, et que je sifflais les filles, par le PA, mais le côté CB aujourd'hui, quand je parle au moins de 30 ans, tu connais la CB, c'est quoi ça, la carte bleue, oui, c'est une carte bleue, ça fait partie des jeunes, vieux, c'est pour ça, voilà, et des fois quand on explique, ah bon, mais ça existait, mais comment ça fonctionnait et tout, même certains, tu leur parles d'autoradio, des jeunes de 20 ans, 15 ans, tu leur parles d'autoradio, ils te regardent avec des yeux. Ah non, mais moi, j'ai toujours connu le CD, le MP3. Donc, voilà, et la CB, quand on leur... Moi, j'ai eu l'occasion d'en faire voir un post-CB à un petit jeune dans mon quartier. Il me dit, mais c'est quoi, ça? Tu viens de Mars ou quoi? Mais non, j'expliquais. Je suis, tu vois, l'antenne qui est là-haut. Ben, ah ouais, putain, c'est super et tout. Ah ben, j'en veux une. Mais je fais, ouais, mais t'as plus qu'à aller dans les dans les bric-à-broc ou faire les brocantes parce que t'en trouveras... Enfin, ça s'achète encore en neuf. Il faut connaître et ça sera plus la même... Ça sent plus le côté poussière, le côté chaud, le côté composant qui a un petit peu chauffé. Ça, c'est un petit peu différent maintenant avec l'électronique, mais ça fonctionne toujours pareil. Donc, est-ce que tu sais qu'à propos de neuf, il y a une marque que tu connais pas beaucoup qui s'appelle Midland qui vient. C'est vrai, je connais très peu. Je connais très peu cette société. Ouais. Ouais, le 3008, non, le 2008. Le 9008, ouais, autant pour moi, ouais. Il est un poste équipé de la BLU alors qu'ils n'avaient pas sorti de poste avec. Ouais, puis à l'époque, quand j'ai travaillé pour eux, à l'époque, ils voulaient pas en entendre parler. Il n'en était pas question. Il n'en était plus question. Donc voilà, comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, quoi. Alors c'est pas qu'ils sont imbéciles, c'est qu'ils sont. Non, mais quand c'est une façon de parler, mais. Non, mais je sais, je vois très bien ce que tu veux dire, mais. Ce que je disais tout à l'heure, quand je disais, même moi, je fais moins de contacts locaux que de contacts à longue distance, ils se rendent compte aujourd'hui qu'il y a plus d'utilisateurs de la PLU, donc de contacts à longue distance. Parce que c'est plus attrayant. C'est le côté du rêve, c'est le côté du rêve, de l'évasion. Et que sans avoir l'USB et l'SB, il opère un marché. Je pense que c'est ça. Et c'est vrai qu'ils étaient complètement à la ramasse à côté de leurs concurrents, que sont CRT ou Président, par exemple. Comme ça, on aura cité trois marques, on n'aura pas de problème. Mais voilà, c'est juste la ouais, parenthèse. Les problèmes, c'est moi qui vais les avoir avec le CSA, mais c'est pas grave, hein, vas-y. Mais justement, t'en auras pas. Justement, la CB aujourd'hui, elle peut être utile pour monsieur et madame tout le monde en cas de catastrophe naturelle, en cas de catastrophe Céveso, en cas de tremblement de terre, en cas de tempête, etc., etc. J'en parle dans mon livre. Et je pense pour un zozo depuis des années, mais ça fait rien, je continue, j'enfonce le clou. Demain, tous les habitants, ou seulement certains par quartier, avaient ne serait-ce qu'un poste CB portable, prêt à fonctionner avec des piles, ou des accus, ça serait encore mieux, et un petit chargeur solaire. Parce que l'autre jour, vous en avez parlé, mais vous avez promis ça. Oui, bien sûr. Ouais. Une CB, elle peut fonctionner sans électricité, mais il lui faut quand même une base 12 volts pour fonctionner. Le 12 volts, qui est très facile à produire avec un petit panneau solaire, tout simplement. Et en ce qui concerne les postes CB portables ou les Takiwalki PMR 446, par exemple, donc qui fonctionnent sur d'autres fréquences, notamment le 446 MHz, je sais que tu as prévu d'en parler un petit peu plus tard, on y reviendra. Mais c'est aussi des moyens de communication qui sont ouverts à tous, et c'est leur intérêt, justement. Eh bien, avec un petit chargeur d'accu solaire et des accus prêts à fonctionner, eh ben, on peut rester comme ça, on peut communiquer pendant titan eternam, même si on n'a pas de courant. Ouais, puis ça, pourquoi communiquer ça, tout simplement pour prendre des nouvelles des autres. Ça coupe en même temps de l'isolement. Ça permet d'avoir un PC secours ou autre équipé avec du 27 mégas, parce que ils ont un groupe où ils ont vraiment de l'électricité à dispo parce qu'ils sont un petit peu plus loin de la catastrophe. Et puis à ce moment-là, ils peuvent. Oui, vas-y, je t'écoute. Tu sais, il est sorti il y a peu de temps par notre gouvernement une espèce de directive indiquant quoi mettre dans un sac de survie. Bien sûr. Ouais. Dans un kit de survie. Bon, on parle de tout. Sauf de la radio. Sauf de ça. Ouais. Alors si on dit mettez une radio avec des piles pour écouter la radio FM. Ouais. Ce qu'on oublie joliment de dire, c'est que si demain il n'y a plus d'électricité, le mec qui a la radio FM, même si mais c'est hyper cher, en son émission d'Ipnenco, s'il n'a pas de courant, il va falloir qu'il pédale pour produire. Et puis il va falloir qu'il pédale fort. Hein. Je vois pas comment il va faire pour émettre des émissions. Parce que les relais radio, enfin les relais tout ça, voilà. Ils sont alimentés électriquement. Donc si jamais il y a. Et puis ce qui est très drôle surtout, c'est qu'on nous dit ça à la veille du déploiement des radios en système DAB, qui ne seront plus du tout sur des radios FM, sur la bande FM. Bien sûr. C'est l'avancée de la technologie, mais la DAB, si jamais il n'y a plus d'internet, on fait quoi? Voilà. Oui, mais ça veut dire que à l'aube de ce déploiement et de la disparition de la FM, on dit aux gens dans un kit de survie, mettez une radio pour recevoir la FM. Oui, aussi, oui, non, mais messieurs les gouvernants, c'est un petit peu l'aberration de nos dirigeants. Je ne veux pas citer l'un ou l'autre. Ça dure depuis des années. Voilà, c'est de la méconnaissance. C'est comme pour le handicap, on en parlait. Tant que c'est pas vu par des personnes qui en sont, témoins ou autres, on se retrouve devant des technocrates qui comprennent pas le système. Et c'est vrai que le système. Moi, je pense qu'il serait utile s'il y a des maires ou des mairies ou des communes qui nous écoutent, même sans parler de CBI 27 mégas, je pense qu'il serait utile d'avoir des petits kits portables 446 mégas, des petits PMR que l'on peut trouver chez tous les bons revendeurs ou vendeurs de marques, avec des grosses commandes, il y a moyen d'avoir des prix et d'avoir ça en cas de besoin, comme on l'a vu, d'inondation, et d'aller chez Madame Pierre, Madame Paul, Monsieur Jacques, un tel, leur dire voilà, on les sélectionne par les besoins qu'il y a, ceux qui ont besoin de soins d'infirmières, de trucs comme ça, et leur dire, on vous laisse ça, si jamais il y a besoin, vous appuyez là, et vous parlez, et vous relâchez, enfin, on leur fait pas une formation, mais on leur explique un petit peu, puis ne serait-ce que ça, ça sécurise. Oui, alors ça sécurise à partir du moment où il y en a beaucoup, c'est-à-dire que pour du PMR, il faut qu'il y ait énormément de gens qui soient équipés, tout comme des CBI portables. Moi, mon souhait, il va au-delà de ça. Il va au-delà de ça et il concerne directement la CBI et nos élus et nos décideurs et tous les gens qui sont dans les services de secours et d'assistance. C'est-à-dire que moi, mon rêve, c'est que chaque EHPAD, chaque maison de pays, chaque mairie, chaque hôpital soit équipé d'un kit avec une antenne qui soit prête à déployer, avec une batterie de secours, avec un panneau solaire. Une antenne qui ne soit surtout pas installée parce qu'en cas de tempête, elle va descendre avant de pouvoir s'en servir. Donc quelque chose qui soit prêt à être installé dans tous ces services-là. Il y a des agents techniques qui sont capables de réparer toutes sortes de trucs, donc ils sont tout à fait capables de mettre en route du matériel CBI et une antenne. Et ça voudrait dire qu'en quelques minutes, mais vraiment en quelques minutes, après le passage d'un cataclysme de ce genre-là, eh bien on pourrait rétablir au sein même de la population des réseaux de communication. Et ça pourrait servir à tout le temps, parce que on pourrait savoir, justement, par rapport au canal 9, par exemple, le canal d'urgence, moi, j'en parle d'ailleurs sur mon site aussi, puisque j'ai gardé le site de l'association Clarisse, que j'ai baptisé CBI Web Info. J'ai lancé cette idée-là il y a bien longtemps et personne n'y adhère, malheureusement. Mais l'idée, c'est que les gens puissent avoir du matériel à disposition, pas spécialement fonctionnel en permanence. On leur demande pas d'être CBI et de faire ce qu'on a fait nous. Mais bien sûr. Simplement de pouvoir communiquer en cas de problème. Mais le lien, il est utile et au moins on se sent pas vraiment seul, isolé, dans le froid, dans l'humidité, sans lumière. Je le fais avec ma maman justement, puisque on est à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Bien sûr. Niveau maison, quand il y a un problème d'orage, de panne de courant ou quoi. Elle est aussi équipée d'un TQLK, ça nous empêche pas. J'imagine qu'elle sait s'en servir. Elle sait s'en servir, oui, depuis très longtemps. Et c'est très utile parce que même en pleine nuit, s'il y a besoin, et on peut communiquer même s'il n'y a plus de réseau de téléphonie. Parce que les gens sont drôles dans la tête des gens parce qu'on a un téléphone portable, on peut toujours téléphoner. Mais le problème, c'est que s'il y a une coupure de courant, les relais sont alimentés par le courant. Bien sûr. Et il faut savoir qu'un relais, il est prévu pour alimenter un certain nombre de communications en même temps, pour acheminer. Et voilà, et après, si jamais il y a trop, s'il y a trop, il n'y a plus de possibilité. Si le relais n'est plus alimenté, le téléphone va aller chercher un autre relais, mais les autres téléphones vont faire pareil. Mais bien sûr. Et au bout d'un certain temps, quand les autres relais vont être saturés, ils vont disjoncter eux-mêmes. C'est-à-dire que même s'ils sont toujours alimentés, ils ne vont plus avoir la capacité technique d'acheminer des communications. Donc, le téléphone portable, il ne sert plus à rien. Et puis, de toute façon, il faut bien se dire qu'au bout de 2 ou 3 jours, si la panne de courant doit durer sur un secteur donné, une région, une ville, un département ou quoi que ce soit, téléphone portable, au bout de 2 ou 3 jours, si on ne les recharge pas, de toute façon, ils seront complètement déchargés par le dîner. Donc, mais ça, dans l'esprit de tout un chacun, des gens, non, on a un téléphone portable, de toute façon, on peut appeler. Ben non, non, il n'y a pas que les pannes de réseau, il y a aussi les pannes électriques. Et la panne d'électricité, c'est plus d'Internet, plus de téléphone mobile et plus de téléphone fixe. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On sort des radios communication et pas la radiodiffusion. Exactement. Enfin, qui sert aussi, qui va servir par le fait de radiodiffusion aussi. Mais voilà, on peut. Et puis, je veux dire, par un poste CB ou même PMR, mais par un poste CB, une station qui va être équipée, elle peut sur une fréquence générale, je veux dire, un canal. Bon, ça peut être mis sur le canal 9, par exemple, et ça peut faire passer un message à toutes les stations qui sont dans l'attente et faire passer les messages, disant voilà. Et puis, de telle heure à telle heure, vous dégagez vous avez votre fréquence qui est libre pour pouvoir appeler en cas de besoin, mais à telle heure, on fait des communiqués pour dire où en sont les secours, pour voir comment ça avance. Et ça, sinon, nos... Les seuls qui pensent à ça aujourd'hui, c'est des gens qui ont un tantinet, une âme survivaliste. Oui, et aussi. Et qui, eux, ont l'intelligence, justement, de s'équiper intelligemment de bon matériel, de vivre, de denrées, de machin. Alors sans être plus survivaliste que celui qui l'est, mais on peut aussi penser à ça et se dire qu'effectivement c'est bien d'avoir un sac de secours prêt à partir avec des pastilles pour purifier l'eau, avec un couteau suisse, une lampe de poche, machin. Mais on ajoute aussi une radio qui émet et qui reçoit, un émetteur récepteur, poste CB portable ou PMR 446. Et ça, c'est hyper important. Et des accus et un chargeur solaire, parce que sinon, on ne peut rien en faire. On va avoir le même problème. C'est bien beau d'avoir une radio, mais si on ne peut pas avoir l'alimentation électrique, en l'occurrence le panneau solaire, à un moment ou à un autre, c'est pareil. On n'aura plus d'accus et donc la radio ne va plus fonctionner. Oui, après, bon, il y a toujours... Il y a toujours, bon après il faut être un petit peu bidouilleur, mais il y a toujours le moyen avec un accu de voiture ou autre chose de pouvoir brancher son poste. Mais ça, nous on sait le faire parce qu'on l'a fait pendant des années. Mais voilà, après pour monsieur et madame tout le monde, on va pas demander à une mamie de 88 ans d'aller enlever de prendre une clé de 12, d'aller enlever la batterie de la voiture qui est à côté. Non, tu sais, aujourd'hui t'as toutes les stations, ce qu'on appelle les power banks, t'as toutes les stations des batteries portables qui sont vraiment faites pour ça aussi. Si les gens veulent vraiment s'équiper, bon, ça coûte un peu cher, mais un chargeur d'accu, par exemple, pour 8 accus en chargeur solaire, ça vaut pas cher. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, on le raccorde à un power bank justement solaire. Pour 50 euros, on a l'ensemble, quoi. On a le chargeur, les accus et le power bank, quoi. Voilà. Donc, enfin, je veux dire, si c'est pour sauver une vie, on n'est pas à 50 euros près, quoi. Enfin, voilà, c'est pas grand chose. Et après, il y a effectivement toutes les stations, alors on va encore citer Loëti, Jackery, Ecoflow, voilà, ça fait 3 marques de citer, qui produisent tous à peu près les mêmes produits. Et on peut avoir sur soi des stations de production d'électricité portable de 300 à 3000 watts, quoi. Bien sûr. Voilà, donc, avec des panneaux solaires qui vont pouvoir recharger en permanence et ne pas trop se décharger, de façon à garder une charge relativement constante et pourquoi pas alimenter effectivement un émetteur-récepteur. Aujourd'hui, je veux dire, c'est pas les moyens techniques qui manquent, c'est la connaissance des gens en général. Bien sûr. Et des services. La compétence, la connaissance et la compétence. Dans les mairies aujourd'hui, on développe de plus en plus les plans communaux de sauvegarde. Mais les plans communaux de sauvegarde, on n'intègre jamais les moyens de communication qui sont ouverts à tout le monde. On va éventuellement parler de la protection civile, on va parler de la sécurité civile, on va parler de la DRASEC, l'association des radioamateurs au service de la sécurité civile, mais on va pas parler du citoyen lambda. Bien sûr. Qui, lui, peut intervenir tout de suite. Comme on l'a été nous à l'époque, je veux dire, j'en reviens toujours au Canal 9, parce que c'est vrai que ça a été une grosse époque pour moi, mais chargé de travail et de stress aussi. Mais on a été pendant des années et des années, et les secours s'en sont rendus compte, et les services de la rue, tout ça, parce qu'on était les yeux et les oreilles de la route. La moindre roue de VTT qui était oubliée sur l'autoroute ou perdue, ou la moindre tache de d'huile ou n'importe quoi, même le chien égaré, l'animal. La mamie en contresens, on était tout de suite. Donc relancer ça, je dis pas que ça soit, c'est peut-être de l'utopie, mais ce côté secours et tout ça peut l'être. Et voilà, à bon entendeur, salut. Tu sais que mon livre, c'est La citizen demande de l'initiation à la passion, mais il a quand même un petit sous-titre qui a toute son importance. Le petit sous-titre, c'est « Et si un jour, elle vous sauvait la vie ?» Ouais, mais t'es très beau, t'as une belle photo, je l'ai sous les yeux. Parce que justement, l'idée, c'était non seulement de parler de mon parcours et de faire un guide, surtout, puisqu'il n'y avait plus de guide sur la CILI depuis 30 ans, et c'était aussi l'idée, justement, j'ai fait une deuxième version de celle que tu as toi, là, une réédition en 2024 où j'ai étoffé un petit peu le dossier survivaliste en parlant justement Donc en fait, ton livre... Ton livre, on peut, et juste après, je ferai une petite escale musicale avec le bon titre et la bonne personne, juste avant de parler d'un projet que tu as mis en cours, qui n'a pas un lien direct avec la radio, mais qui a un lien avec notre première émission. Ce livre, on peut le trouver où? Alors, on peut le trouver sur les meilleures boulangeries, c'est ça? Sur Internet? Sur les meilleures boulangeries d'Internet? D'accord. Non, alors, sur eBay, sur Le Bon Coin, sur Rakuten. Et puis sur le site de l'éditeur directement, The Book Edition. Je l'ai nommé tout à l'heure. Par mail, pharaon85@orange.fr. D'ailleurs, à ce sujet-là, tu vois, t'as bien fait d'en parler, parce que je sais que des fois tu reçois du courrier nominatif bizarre. J'ai vu ça ce matin. J'ai pas mal rigolé. Est-ce que tu peux m'en toucher deux mots? Allez, vite fait. Comme quoi, la poste. C'est rigolo. Donc hier, j'ai reçu une lettre. Avec mon nom, mon prénom, Sibiste Pharaon 85 et 85-120, La Châtaigneraie, sans numéro ni adresse de rue. Ah, t'as fait fort là. Ça a gardé dans les annales. Je disais à Albino Je disais à Albino qui est à côté de moi là, mon parrain, écoute bien ce qu'il va dire, parce que ouais, effectivement, tu as reçu un courrier sans adresse en fait, et juste parce que tu es quelqu'un de très connu. Voilà, Pharaon 85 à La Châtaigne. Hein. C'est exceptionnel. C'est vraiment un collector. Je veux dire, c'est vraiment un. C'est vraiment marrant. Ouais, ouais. Après, bon, j'ai un prénom qui est pas courant, c'est vrai, mais. C'est rigolo, quoi. Voilà. Ben écoute, juste avant que tu nous parles de ton projet qui est bien en cours et que tu travailles, ben je vais repasser le morceau de tout à l'heure. Donc le morceau s'intitule Je pars, sorti le 7 mars 2026, composé interprété par Alex Le Bail, qui est un artiste de la région Centre, qui sera donc en concert à la MAM, à la Maison des Arts et de la Musique Orléans, le 11 avril, et c'est rue René Berthelot. Voilà, allez, et bien à toi mon cher Alex. Perdu, inutile. Ma musique m'apaise, me fait vivre, exister. Mais au fond de moi, je me sens vide, exténué. Je fais semblant, devant les gens, d'être fort, d'être imbattant. Face cachée, bien dissimulée, qu'est-ce que ça changera si je vous dis demain je m'en vais. Demain je m'en vais. Je pars. Me fait souffrir. Sans bruit, sans pleurs, juste dans un champ de fleurs. Sans cri, sans erreur, mon quotidien est devenu un leurre. Je pars. Bien voilà, c'était donc Alex Le Bail, voilà, en honneur, enfin en honneur, en hommage à son fils qu'il a perdu, voilà, un titre un petit peu qui nous prend, mais voilà, ça fait partie de la vie. Et donc il sera le 11 avril, donc à la sortie à la MAM, à la Maison des Arts et de la Musique. Donc Jean-Guy, est-ce que tu me reçois toujours s'il n'y a pas trop d'inondations de ton côté ? Tout fonctionne. Voilà, bien, c'est parfait. Voilà, on va passer sur la dernière tranche de ta partie. Alors après, je reprendrai un petit peu différemment les missions avant de te saluer, de te remercier de ton intervention. J'avais deux choses à te demander. Donc tu as parlé de ce livre, mais je sais que comme tu es quelqu'un qui est toujours très occupé, je sais que tu as une autre, puisque tu as la radio, tu peux en parler un petit peu. Tu es sur la préparation d'un autre projet qui te tient à cœur, qui n'a rien à voir avec la radio, mais je souhaitais te laisser un petit morceau d'antenne et de micro pour que tu puisses en parler. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet ? Oui, avec plaisir. Je te remercie de me laisser quelques minutes d'antenne par rapport à ce projet-là, qui me tient aussi à cœur, bien évidemment. Je suis en train de terminer, je veux dire, oui, parce que je suis rendu parce qu'à la fin, l'écriture d'un autre ouvrage, mais cette fois-ci qui est plus, qui est totalement même dédié au handicap et au monde du handicap, avec une première partie, avec mon parcours semé d'embûches. Alors c'est pas, je veux pas rentrer dans les détails de ma vie privée, mais l'idée c'était d'expliquer un petit peu tout le parcours que j'ai eu et toutes les embûches que j'ai surmontées ou pas, grâce ou à cause de mon handicap, justement, puisque c'est un handicap de naissance, plus une amputation en 2020. Et la deuxième partie, c'est un état des lieux du handicap en France et ailleurs dans le monde. D'accord. Avec des chiffres, des comparatifs sur des sujets comme l'emploi, l'hôtellerie, les loisirs, la vie de tous les jours, l'école, enfin voilà, tous les grands sujets qui peuvent toucher une personne en situation de handicap aujourd'hui. D'accord, donc tu parles un petit peu de tout ça. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as une vue à peu près de la... Bon, je pense qu'il sera sur le même système d'édition, en auto-édition, sur les mêmes boulangeries du net. Est-ce que tu as une date à peu près de sortie ou pas? J'espère sincèrement le sortir d'ici la fin du mois, là. D'accord. Ah oui, c'est proche. Hein. Donc tu cavales à tout va là. Puis comme je sais que tu es très ordonné, tu aimes bien les choses, tu vas faire ça aux petits oignons, bien évidemment. Bah j'essaye. Ça va être un format A5. Il va y avoir un peu moins de 200 pages, je pense. Il y a des illustrations, il y a des images ou il y a des images de constats que tu as fait. Il y a des illustrations en noir et blanc. Oui. D'accord. En noir et blanc. Ok, donc voilà, c'est du noir et blanc. Et tu as un scoop à me donner ou pas? Est-ce que tu as le titre? Ah oui, je peux le donner maintenant puisqu'il va sortir bientôt. Ça va s'appeler Handicap ou pas cap. Handicap ou pas cap, ouais, pourquoi pas, why not? Voilà. Je reconnais bien ton humour, Jean-Guy, parce que bon, malgré ton handicap, je sais que tu es quelqu'un qui adore rigoler, et voilà, je sais que quand on est tous les deux, certains l'ont vu au Sable d'Olonne, voilà, ça fait un couple un petit peu, voilà, t'as pas peur de rire, et moi j'ai pas peur du ridicule, dans le sens de te faire des choses un petit peu que tu, voilà, qu'on pourrait pas faire, je sais pas si tu t'en rappelles, mais avec le scooter, un petit peu ce qu'on a fait au Sable d'Olonne, voilà, il faut pas avoir peur, les gens nous regardaient, mais non, il faut pas, voilà, c'est la vie, c'est malheureusement c'est comme ça, et il y a pas de ridicule, il y a simplement une amitié de deux hommes, une personne handicapée, une personne qui n'est pas handicapée, mais à travers ça, il y a pas de barrière, il y a pas de choses, donc c'est vraiment une amitié très forte qu'on a tous les deux et qu'on a eu par le biais de mon premier livre, et je me rappelle toujours de ce contact téléphonique un soir chez moi, et cette amitié qui est née après nos rencontres et notre travail en commun. Donc voilà, alors juste avant de te laisser, de te quitter, te remercier d'être passé pour la alors on dit jamais 203, alors je sais pas dans quel contexte tu seras là la prochaine fois, peut-être en live, hein, peut-être directement dans notre studio, on se débrouillera pour te faire monter, ou on va s'équiper quand même, mais éventuellement lors d'une nos émissions en extérieur, qui sait, on sait jamais, hein. On dit jamais, Fontaine, je ne boirai pas de ton nom. On fait appel à nos amis du 18, les sapeurs-pompiers, ils trouveront bien une solution. Oui, voilà, voilà, voilà, on va peut-être monter un challenge. Mais c'est vrai que pour cette dernière passe d'émission, je voulais juste... Il y en a bien qui me font monter dans des camions pour les 24 oui, heures. Oui, je sais que tu as eu l'occasion d'aller sur le circuit. Ils en ont un petit peu bavé, mais ils t'ont monté, j'ai vu un les photos. Peu, mais voilà, puis c'est les routiers, les routiers sont sympas. D'ailleurs, on en profite pour saluer notre ami et mon ami et collègue maintenant de radio, Sébastien Poncelet, qui est sur 107.7 et qui a et eu... Et puis David Boireau, président de Hand Truck aussi. Voilà, mais voilà, Sébastien qui nous a fait l'honneur de préfacer notre livre en commun. Ouais. Voilà, je te salue Sébastien. Tout à fait, on l'oublie pas. On t'écoutera la prochaine fois sur l'autoroute, il y a pas de souci. Les routiers sont toujours aussi sympas, il a repris un petit peu le même système que notre ami Max Meignier, voilà, qui est sur les routiers sont sympas. À une autre époque, il y avait d'autres moyens, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr, mais l'esprit est toujours là. L'esprit est-tu là? Oui, l'esprit est toujours là. Et donc, juste en aparté, est-ce que tu peux nous dire, j'ai vu que quand je me promène un petit peu sur certaines manifestations, on voit des gens qui font un petit peu comme nous on faisait, qui n'ont pas les mêmes postes. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu en deux, trois mots? Parce que je sais que tu les fréquentes un petit peu. On appelle ça, je crois, des signaleurs à notre époque. Ah, maintenant. Les signaleurs radio, oui, bien voilà, sûr. Voilà, oui. Est-ce que tu peux en parler? Disons que ça c'est... Alors, ça c'est... Comment dirais-je? Le mot de signaleur, c'est démocratisé après les les années civiles, je dirais. Alors le signaleur, il est entre, on va dire, entre le civiliste lambda et la société de sécurité. Les signaleurs, ils n'ont pas le droit d'arborer le mot sécurité sur leur tenue, ni de faire de la sécurité, mais on va plus parler de sécurisation. Ils sont équipés de radios ou non, mais la plupart du temps, ils le sont. Ils n'utilisent plus ou très peu de CB. Il y en a encore quelques-uns pour des manifestations où ils ont besoin de communiquer à longue distance et où ils n'ont pas spécialement le droit d'utiliser des relais. Alors, s'il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Disons qu'aujourd'hui, les signaleurs, ils contactent ce qu'on appelle l'ANFR, l'Agence Nationale des Fréquences, qui leur attribue une fréquence, souvent en VHF, parfois en UHF, donc grosso modo aux alentours du 150 MHz ou du 400 et quelques MHz, de façon à ce qu'ils puissent communiquer avec des appareils qui sont généralement des technologies, simplement des petits postes portables. Ils ont aussi certains le droit d'avoir des postes dans les voitures avec des antennes. Donc ce sont des fréquences privées qui leur sont allouées, qui sont souvent numériques, donc on ne peut plus, on ne peut pas écouter, qu'on ne peut pas brouiller, ou alors il faut être vraiment équipé pour pouvoir le faire. Et donc ils sont là pour assurer la sécurisation des événements, donc D'accord, par exemple des courses cyclistes, oui, des, comme on faisait à l'époque, quoi. Des manifestations en ville, voilà, le parcours du cœur, la fête du boudin, enfin tout ce que vous voulez. Ils peuvent aussi intervenir, par exemple, dans une salle pour gérer le flux du public. Ils peuvent avoir des missions sur des parkings, tout simplement. Et ils peuvent aussi intervenir parfois en ville. Enfin, voilà, c'est des missions très intéressantes. Aujourd'hui, la plupart de ces associations sont à but non lucratif, mais évidemment, ils demandent... Ils sont tous bénévoles, mais ils demandent tous des participations par signaleur intervenir. Il y a les frais d'essence, les frais réels. Les frais d'essence, les frais de matériel, les frais de nourriture, ce qu'on appelle les VHR, véhicules, hôtels, restaurants, qui s'emploient dans le milieu artistique, mais c'est ce qu'il dit là aussi. Voilà, et c'est des bénévoles qui sont à la disposition donc du grand public et des élus bien souvent, puisque maintenant c'est souvent les préfets qui leur font appel. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, malheureusement, c'est que c'est un statut qui n'est reconnu par aucun ministère de tutelle. Mais ouais, comme il fonctionne, il existe, les préfets leur font appel, mais il n'y a aucun ministère. Bah oui, comme à l'époque, un petit peu, les groupes et les clubs de CB à l'époque. Voilà, on en avait besoin, voilà. Mais... moi j'ai été plusieurs fois déclenché, appelé par la préfecture, la sous-préfecture sur Montargis notamment une fois, et voilà, pas de reconnaissance, à peine un merci. Ça, c'est vraiment dommage parce que alors c'est pas une profession, mais c'est une passion et ce sont des actions qui se démocratisent, on en voit de plus en plus, parfois même en complément justement des agents de sécurité professionnels et des services genre Croix-Rouge, protection civile. Ils n'ont pas du tout des missions de secouristes, même si certains le sont, mais c'est pas du tout leur fonction de porter secours. Mais par contre, ils ont un rôle qui est vachement important dans la sécurisation des événements et la protection du public et des usagers, y compris justement... pour la gestion des parkings PMR pour les personnes en situation de handicap, quand il y a des grosses manifestations, bien des festivals, bien etc., bien etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis la loi de 2005, il y a déjà 20 ans et qui n'est toujours pas respectée, il faut savoir que quelle que soit la manifestation ouverte au public qu'on organise, on est dans l'obligation en tant qu'organisateur de prévoir un parking pour les personnes à mobilité réduite. Voilà. Et il y en a beaucoup qui l'oublient. Ok, je vais arriver au bout de l'émission là, Jean-Guy. Je tenais à te remercier énormément de ton passage malgré les difficultés que nous avons eues au tout départ. Juste avant que tu partes, je vais en profiter de dire que le Mavrika Live 17, alors que le 17e Mavrika Live sera, j'ai plus la date, si c'est le 28 novembre. Voilà, on en parle un petit peu. On aura donc un Blue Revenge et Oncle Biker qui seront qui seront présents pour le 28 novembre. Mais je commence à en parler comme ça. Les gens qui n'ont pas pu venir au 16 n'auront pas d'excuses pour le 17. On vous attend nombreux. Voilà, c'était un petit message que j'avais fait, parce que je viens juste d'avoir l'affiche qui vient d'arriver, donc j'en profitais. Je remercie Albino de ce message. On en parlera d'ailleurs sûrement demain soir dans son émission Mavrica à partir de 19h. Jean-Guy, je t'envoie les bons chiffres. Les 73, 51, 88 à ton QRA. Pour rappeler, les bons chiffres, ce sont les cordialités, salutations. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, pour Radio Arc-en-Ciel, ou pour ton animateur favori, ou simplement pour les auditeurs, les auditrices? Merci, puis encore merci, parce que, moi, quand on tend la perche d'un micro, je la saisis systématiquement, parce que je pense que, dans les choses dans lesquelles je crois et que je défends, je saisis toujours l'occasion de pouvoir en parler. Et le handicap, c'est un de mes combats. La radio et la CIPI, c'est une de mes passions et je la défends depuis plus de 30 ans. Donc, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler beaucoup d'un et un peu de l'autre. Et puis beaucoup d'autres à l'autre fois et un peu de celui-là aussi. merci à toi Didier, merci Radio Arc-en-Ciel, et puis à bientôt en fréquence. Écoute, au plaisir de recroiser les aériens, comme il est dit dans notre dans notre jargon. Les bons chiffres à toi. Je te souhaite plein de bonnes choses. Et puis je vais te faire go 88. Alors 88, c'est pour les YL, c'est le bisou. Puis on a le 212. Aussi, ça nous arrive. Voilà, bien sûr qu'on se fait des bisous sur le front. Et en même temps, le 212, c'est l'addition de ces trois chiffres, 212 au QRA, donc c'est l'addition de la poignée de main, cordialité, salutation, 88, 212. Et on est parti donc avec un petit groupe orléanais qui fait du punk un petit peu décalé, que j'adore, que je retrouverai sûrement cet été quelque part par là. C'est parti donc avec un groupe qui s'appelle... La tournée du Baron, et d'ailleurs, c'est leur tournée. Allez, bye bye à toi, Jean-Guy, merci beaucoup, ciao ciao. J'aime voir mes voisins debout sur mon balcon, j'observe ce qu'ils font. On passe dans la colonne, ça ressemble à Verdun. Tous les trois comme des lobes qui ne comprennent plus rien. Et il y a une heure, autres sur le canapé, méditant sur le bonheur, ils sont pas prêts de bouger. Une heure sans son lit, une vidange d'estomac. Café à la main, j'aime voir de mon balcon, non, pas passer les cons. Et le dimanche matin, j'aime voir mes voisins debout sur mon balcon, j'observe ce qu'ils font. Mon voisin de palier, celui qui gueule quand je chante, se pose devant sa télé, ses émissions bandantes. Avec sa colombour, assis devant téléfoot, il dit comme un sourd quand son équipe déroute. Sa femme passe la serpillière et son mari en femme lui redemande de la bière. Oh, le dimanche matin, mon café à la main, j'aime voir de mon balcon, là on va passer les cons. Et le dimanche matin, j'aime voir mes voisins debout sur mon balcon, j'observe ce qu'ils font. Qui sortent leur petit chien avant de partir prier, bien sûr, leur 31. Voir vers la cathédrale, un petit peu après l'autre. Écouter les morales et être bon apôtre. Ils s'en ferment les yeux pour pas voir la misère d'un homme si bon, qui se nourrit pas de prière. Oh, le dimanche matin, mon café à la main. J'aime voir de mon balcon, non, on va passer les cons. Et le dimanche matin, j'aime voir mes voisins

comme les rois voyous, le droit ils s'en foutent. train home, they say now. Oh, he's so strange, he's so cool.